السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de se réunir pour continuer la lecture et l'étude de l'épître « Les trois fondements » du grand savant de l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Nous sommes actuellement dans la 4e assise. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Si on te demande quels sont les trois fondements qu'il est nécessaire pour toute personne de connaître, réponds, c'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À partir d'ici, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, va expliquer ce qui est voulu de cet épître, qui sont les trois fondements. Ces trois fondements qui sont en réalité les trois questions qui sont posées au serviteur dans sa tombe. Lorsque le serviteur sera mis dans sa tombe, sera enterré, et que ses proches retourneront, à ce moment-là, deux anges viendront à lui, le feront asseoir et lui poseront trois questions. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Et quelle est ta religion? Le croyant qui a été raffermi et assisté par Allah répondra: mon Seigneur est Allah, mon prophète est Mohammed, et ma religion est l'islam. On lui dira: comment as-tu connu cela? Il dira: j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru. À ce moment-là, un appeleur criera du ciel: mon serviteur a dit vrai. Étalez-lui une couche du paradis et ouvrez-lui une porte parmi les portes du paradis. Sa tombe sera étendue jusqu'à la limite de sa vue. Lorsqu'il verra ce qui lui a été préparé, il dira: ô mon Seigneur, hâte la venue de l'heure. Quant à l'autre, lorsqu'il lui sera demandé qui est ton Seigneur, il dira: ha, ha, je ne sais pas. Ils lui diront: qui est ton prophète? Il dira: ha, ha, je ne sais pas. Ils lui diront: quelle est ta religion? Il dira: ha, ha, j'ai entendu les gens dire quelque chose. On lui dira: tu n'as pas lu et tu n'as pas appris. Il sera alors frappé avec une massue en fer. Il poussera un cri énorme qui sera entendu par toutes les créatures à l'exception des hommes et des djinns. Car s'ils entendaient ce cri, ils seraient foudroyés. À ce moment-là, un appeleur criera du ciel: mon serviteur a menti. Préparez-lui une couche de l'enfer. Sa tombe se resserrera sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent, et on lui ouvrira une porte de l'enfer, et on lui dira: ceci est ta demeure. Lorsqu'il verra ce qui lui a été préparé, il dira: Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Voici le résumé dans le sens du hadith de Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu. À travers ce verset, nous voyons l'importance de ces trois questions qui seront posées aux serviteurs. Il est donc obligatoire à chacun d'entre nous d'apprendre, de croire et de mettre en application ce qu'impliquent ces trois questions. Voilà pourquoi l'auteur s'est concentré sur ces trois questions qu'il a appelées les trois fondements. On demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir par la parole ferme lors de cette épreuve et dans ce bas monde. Dans la parole de l'auteur, les trois fondements. Un fondement, dans son sens linguistique, c'est ce à partir de quoi on construit. Et dans son sens religieux, ce sont des bases à partir desquelles la religion est bâtie. Et ces trois fondements ici sont la connaissance d'Allah, de son prophète et de la religion de l'islam. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-aslu al-awwal ma'rifatu al-rabb. Fa'idha qila laka mar rabbuk, faqur rabbi allahu alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin bini'amihi, wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kullu ma siwa allahi alam wa ana wahidun min thalika al-alam. » L'auteur du livre a dit, le premier fondement, la connaissance d'Allah. Si on te demande qui est ton Seigneur, réponds, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Il est celui que j'adore, je n'adore nul autre que lui. La preuve est la parole d'Allah, la louange est à Allah, Seigneur des mondes. Surat al-Fatiha, verset 1. Toute chose en dehors d'Allah fait partie de l'univers, et moi-même je fais partie de cet univers. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, commence avec le premier fondement qui est la connaissance d'Allah. Il dit, si on te demande qui est ton Seigneur, réponds, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Allahu Azza wa Jal est celui qui éduque ses créatures. En les créant, en leur octroyant la subsistance, ainsi que tous les bienfaits qu'ils peuvent avoir. Dans sa parole, Bini'amihi, dans la parole de l'auteur, Bini'amihi, par ses bienfaits, les bienfaits d'Allah sont nombreux et ne peuvent être dénombrés. Allahu Azza wa Jal dit à cet effet, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kaffar. Dans le sens, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Sourate Ibrahim, verset 34. Ensuite, les bienfaits se divisent en deux catégories, générales et spécifiques. Les bienfaits généraux, comme la santé, la richesse, les enfants et autres. Cette catégorie englobe aussi bien le musulman que le mécréant, le pieux et le pervers. La deuxième catégorie, c'est celle qui est spécifique pour les croyants, comme le bienfait de l'islam, le bienfait de la sunna, le bienfait de la guidée, de l'assistance, de la réussite et autres. Il faut savoir également que les bienfaits généraux qui sont octroyés à la personne, les bienfaits généraux qu'Allah Azza wa Jal octroie à la personne, ne veulent pas forcément dire que cette personne est aimée et agréée par Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal donne ce bas monde à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Mais là, il donne la foi qu'à celui qu'il aime. Comme ceci a été rapporté dans le hadith authentique. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit à cet effet dans Surat Al-Fajr, versets 15 et 16, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Oh que non. Dans le sens, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ce n'est pas tout ce que je lui ai donné dans ce bas monde qui est un bienfait pour lui. Ceci peut être une épreuve et un châtiment pour lui. Et ce n'est pas tout ce que j'ai restreint au serviteur qui est une calamité et un avilissement pour lui. Mais j'éprouve avec les bienfaits comme j'éprouve avec la restriction. Dans la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala, « Wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa » Il est celui que j'adore, je n'adore nul autre que lui. Il y a dans cette phrase la concrétisation de l'attestation de foi qui est le fait de renier l'adoration à autre qu'Allah et de l'avouer à Allah Azza wa Jal seul. Nous voyons à travers ce point que la reconnaissance de l'unicité de la Seigneurie ne suffit pas. Après avoir reconnu que seul Allah Azza wa Jal crée, que seul Allah Azza wa Jal octroie la subsistance et comble de bienfaits, alors cette reconnaissance doit mener et acheminer la personne vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah, mentionne la preuve de cela. Il dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » La louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. La louange à Allah, c'est-à-dire, ou la louange à Allah, c'est de faire les éloges d'Allah avec amour. Allah est loué de par ses noms et attributs parfaits, et de par ses nombreux bienfaits qu'il octroie. Dans sa parole, Seigneur des mondes, c'est-à-dire celui qui les a créés, celui qui administre les mondes et possède ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Les mondes, c'est-à-dire le monde des hommes, des djinns, des anges, des animaux et autres. Et celui qui est le Seigneur des mondes est le seul à mériter l'adoration. Ensuite, l'auteur du livre a dit « فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا » Si on te demande ensuite « Comment as-tu connu ton Seigneur ?» réponds par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Et parmi ces créatures, il y a les sept cieux et les sept terres, et ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Dans la question « Comment as-tu connu ton Seigneur ?» c'est-à-dire « À travers quelle preuve as-tu connu ton Seigneur ?» La réponse est « À travers ses signes et ses créatures. » Les signes d'Allah Azza wa Jal sont de deux catégories. Premièrement, les signes universels, comme le jour, la nuit, le soleil, la lune, la création de l'homme. Deuxièmement, les signes religieux et la révélation, le Coran et la Sunna. Le serviteur connaît son Seigneur à partir des signes universels, en méditant, en ayant une profonde réflexion sur la création qui prouve et qui mène inévitablement à la reconnaissance du Créateur. D'ailleurs, il fut dit à un bédouin, « Comment as-tu connu ton serviteur ?» Il dit, « Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, wal-atharu yadullu ala al-masir, ala yadullu hadha al-kawn ala al-latif al-khabir. » Il dit, lorsqu'il fut questionné, « Comment as-tu connu ton Seigneur ?» Il dit, « Le crottin mène vers le chameau ou vers la monture. Les pas mènent vers un parcours, un chemin. Cet univers ne mènerait-il pas vers le compatissant, le parfaitement connaisseur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal ?» Comment la personne peut-il renier le Créateur en voyant cet univers qui est créé de manière parfaite, en voyant ces créatures immenses comme le soleil, la lune, et dire après cela que tout cela est apparu soudainement sans Créateur ? Et s'il y a un Créateur, qui est-ce qui peut créer tout cela en dehors d'Allah Azza wa Jal ? Allah est bien le seul à créer. De même, on connaît Allah Azza wa Jal à travers la création de l'homme. Comment l'homme est créé de manière parfaite et étonnante. Ses différentes langues, couleurs, comment il est composé extérieurement et intérieurement, comme l'anatomie humaine. Tout ceci prouve qu'il y a un Créateur. Allah Azza wa Jal dit, dans Sourate Fussilat, verset 53, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ Dans le sens rapproché du verset, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Il dit également, سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Et sur terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas. Sourate Al-Dhariyat, versets 20 et 21. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a dit « wa makhluqatihi » par ses créatures, c'est-à-dire « j'ai connu Allah à travers ses créatures ». Les créatures d'Allah, en réalité, font partie de ses signes également. Et ce n'est pas tout signe d'Allah qui fait partie des créatures ou qui est créé. Allah Azza wa Jal a fait exister ces créatures à partir du néant. Et nul ne peut créer à partir du néant. Il est donc celui qui mérite d'être adoré seul, sans associé. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a cité quelques signes et créatures d'Allah Azza wa Jal. Il dit, parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune, parmi ces créatures, les sept cieux et les sept terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. L'auteur du livre a cité ces signes et ces créatures, car l'auteur du livre a cité ces signes et ces créatures que nous venons de mentionner, car ces signes et ces créatures universelles font partie des plus grands signes et des plus grandes créatures. Pareillement, ces signes sont les plus apparents et ces créatures sont les plus apparentes. Chaque jour, la personne voit ces différents signes. Il voit le soleil, il voit la lune, il voit la nuit qui arrive avec l'obscurité. Il voit le jour qui arrive après cela avec la lumière. Il voit comment tout cela est organisé et créé de manière parfaite et étonnante. Allah Azza wa Jal a dit « وَآيَةُ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dans le sens rapproché des versets, et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Sourate Yassine, versets 37 à 40. Il y a certes dans les signes d'Allah Azza wa Jal de nombreux bienfaits et des intérêts pour les hommes. Parmi les bienfaits du soleil, le soleil est une clarté pour les hommes. De même, le soleil est bénéfique pour la végétation. Il a un impact sur les arbres, sur les plantes, sur les mers. Quant à la lune, elle sert de lumière et elle sert à calculer le temps. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité, il expose les signes pour les gens doués de savoir. Sourate Yunus, verset 5. Parmi les bienfaits de la nuit, il y a la tranquillité et le repos que le serviteur trouve dans cette nuit. Parmi les bienfaits de la journée, il y a le fait que le serviteur recherche sa subsistance, travaille, voyage pendant cette journée. Allah Azza wa Jal dit « وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا » Dans le sens, nous avons fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie. Sourate An-Naba, versets 10 et 11. L'imam As-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, a dit « Un vêtement, c'est-à-dire un sommeil qui couvre les gens, qui leur fait cesser leur activité et leur mouvement, et qu'ils profitent d'un repos salvateur. » Nous voyons que tous ces signes sont des bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs. Et le fait que ces bienfaits se répètent sans cesse, comme la tombée de la nuit, l'apparition du jour et autres, rend le serviteur insouciant face à ces bienfaits, car il pense que ce sont des choses qui sont acquises. Alors qu'Allah Azza wa Jal a dit « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dans le sens rapproché des versets, dit « Que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc pas ?» Dit Que diriez-vous si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous reposeriez? N'observez-vous donc pas? C'est de par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous y reposiez et cherchiez de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Sourate Al-Qasas, versets 71 à 73. Ceci nous amène à plusieurs points. Premièrement, la méditation et la réflexion sur les nombreux bienfaits d'Allah, de ne pas être insouciant quant à ses bienfaits et d'être reconnaissant vis-à-vis de ses nombreux bienfaits. Deuxièmement, la méditation sur la puissance d'Allah, sa science, son omnipotence. Troisièmement, la méditation sur la création parfaite d'Allah Azza wa Jal. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Dans ce verset, il y a également l'argumentation à travers ou à partir de l'unicité de la seigneurie pour faire reconnaître au serviteur l'unicité de l'adoration. Effectivement, Allah est le seul à avoir créé toutes ses créatures et il est le seul à gérer cet univers. De sorte que s'il décidait d'assigner la nuit et le jour jusqu'au jour de la résurrection, aucune divinité ne pourrait faire venir le jour ou la nuit. Il est donc le seul à mériter l'adoration et les louanges. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a mentionné les preuves concernant ces signes, ces différents signes et ces créatures. Également concernant les preuves concernant l'obligation d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Il dit: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Dans le sens rapproché du verset, parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Sourate Fussilat, verset 37. Le noble cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, nous dit: parmi ces signes, c'est-à-dire dans ce verset, la création de la lune, du soleil, prouve qu'Allah Azza wa Jal est unique dans sa seigneurie, prouve qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Il y a également dans ce verset la réfutation du polythéisme, du shirk, de ne pas se prosterner devant des créatures. Ces immenses créatures comme le soleil et la lune, mais de se prosterner devant celui qui a créé ces immenses créatures. De même, il nous dit que les polythéistes se prosternaient devant la lune et le soleil. Et la prosternation, c'est le fait de poser son front sur la terre en s'humiliant pour celui qu'on adore, et qui est une des plus grandes formes d'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est dans la prosternation. Il nous dit: il convient de se prosterner pour Allah seul et de ne pas se prosterner pour autre qu'Allah. Ensuite, l'auteur du livre mentionne une autre preuve. Il dit: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafithan wash-shamsa wal-qamar wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé, istawa, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-A'raf, verset 54. Parmi les leçons que nous pouvons retenir de ce noble verset, premièrement, Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et certes, Allah est capable de les créer en moins de 6 jours, en un instant. Car quand il veut une chose, il lui suffit de dire soit. Allah Azza wa Jalla dit à cet effet, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Sourate Yassine, verset 83. Il dit également, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Notre ordre est une seule parole, il est prompt comme un clin d'œil. Sourate La Lune, verset 50. Parmi les sagesses de la création des cieux et de la terre en 6 jours, les savants ont dit qu'Allah veut à travers cela éduquer les gens, les hommes, à la patience, à la progression dans les affaires, étape par étape. Et ce n'est pas comme ont dit les juifs et les chrétiens, qui ont dit Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est fatigué, alors il s'est reposé le 7e jour. Gloire et pureté à lui. Allah Azza wa Jal a réfuté cela dans sa parole. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Il dit, dans le sens du verset, en effet, nous avons créé les cieux et la terre et ceux qui existent entre eux en 6 jours sans éprouver la moindre lassitude. Sourate Qaf, verset 38. Deuxièmement, parmi les leçons à retenir, il y a dans ce verset l'obligation de croire et d'avoir foi en l'élévation d'Allah Azza wa Jal, el-Istiwa, sur le trône. Le trône qui est la plus grande créature d'Allah Azza wa Jal. Allah est élevé de par ses attributs parfaits et de par son essence au-dessus des 7 cieux sur le trône, distinct de sa création. Et ceci est la croyance des gens de la Sunna. Ce que nous pouvons retenir également, nous voyons que tous ces signes et créatures sont soumis à Allah Azza wa Jal, à son commandement. Allah gère cet univers comme il le veut. Il est le seul à les avoir créés, à les posséder, il est le seul à gérer. Il est donc le seul à mériter l'adoration. Ensuite, l'auteur du livre a dit وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. L'auteur du livre a dit, le Seigneur, c'est celui qu'on adore. Et la preuve est dans la parole, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui a fait de la terre, c'est lui qui a fait la terre pour lui, c'est lui qui vous a fait la terre pour lui, et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Sourate Al-Baqarah, versets 21 et 22. Le sens de la parole de l'auteur, le Seigneur est celui qu'on adore, c'est-à-dire le Seigneur qui a créé seul toutes ces choses, celui qui a fait exister toutes ces créatures à partir du néant, qui est le seul à octroyer la subsistance, qui est le seul à posséder tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, qui est le seul à gérer l'univers, et également le seul à mériter l'adoration. Voici le sens de la parole de l'auteur. Ensuite, parmi les leçons que nous retenons de ce noble verset, premièrement, dans ce verset, le premier ordre par lequel nous passons lorsque nous lisons le mushaf du début et l'ordre d'adorer Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, il contient également l'interdiction d'adorer autre qu'Allah. Troisièmement, l'ordre de l'adoration est général à toute la création, à toutes les créatures parmi les djinns et les hommes. Car Allah Azza wa Jal a dit, ô vous les hommes, croyants, mécréants, hommes et djinns. Quatrièmement, il y a également une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à toute l'humanité, aux djinns et aux hommes. Il y a aussi l'éclaircissement de la cause pourquoi il est obligatoire d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Dans sa parole, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire, celui qui vous a créé, vous et ceux avant vous, celui qui vous a octroyé de nombreux bienfaits, est le seul qui mérite l'adoration. Sixièmement, il y a dans ce verset la mention de la crainte d'Allah. Qu'est-ce que la crainte d'Allah Azza wa Jal? La crainte d'Allah, c'est que tu mettes entre toi et le châtiment d'Allah une protection. Et la meilleure définition qui a été donnée sur la crainte est la parole de Talq ibn Habib, rahimahullahu ta'ala, comme l'a mentionné l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Talq ibn Habib a dit, la crainte est que tu œuvres dans l'obéissance à Allah avec une lumière provenant d'Allah, c'est-à-dire avec science, en espérant la récompense d'Allah, et que tu délaisses les désobéissances à Allah selon une lumière d'Allah, c'est-à-dire avec science, en craignant le châtiment d'Allah. Nous clôturons avec la parole de l'auteur, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il dit, قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, a dit, celui qui a créé ces choses est le seul à mériter l'adoration. Voici une phrase courte de l'imam Ibn Kathir qui résume tout ce qui vient d'être dit précédemment. C'est-à-dire, celui qui est le seul à avoir créé toutes ces immenses créatures, comme le soleil, la lune, les cieux, les terres, celui qui a créé les hommes et les djinns, celui qui leur a octroyé leur subsistance, celui qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, qui est le seul à gérer l'univers, est bien le seul à mériter l'adoration et le seul qui doit être adoré. À travers tous ces versets que nous avons cités, nous retenons une règle immense dans la croyance qui est tirée du Coran et de la Sunna qui est le fait d'argumenter à partir de l'unicité de la Seigneurie pour faire reconnaître aux serviteurs l'unicité dans l'adoration. Car le fait de reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la Seigneurie implique et exige aux serviteurs d'adorer Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver du polythéisme, apparent et caché, d'ancrer le tawhid dans nos cœurs, et de nous permettre de concrétiser l'état de servitude. La semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, nous mentionnerons et détaillerons les différentes catégories d'adoration qui doivent être vouées à Allah Azza wa Jal seul. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.